Psaume 62. Psaume de David, donné au maître chantre, d'entre les enfants de Jéduthun. Quoi qu'il en soit, mon âme se repose en Dieu, c'est de lui que vient ma délivrance. Quoi qu'il en soit, il est mon rocher, et ma délivrance, et ma haute retraite, je ne serai pas entièrement ébranlé. Jusqu'à quand machinerez-vous des maux contre un homme? Vous serez tous mis à mort, et vous serez comme le mur qui penche, et comme une cloison qui a été ébranlée. Ils ne font que consulter pour le faire déchoir de son élévation, ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais au-dedans ils maudissent, c'est là. Mais toi, mon âme, demeure tranquille, regardant à Dieu, car mon attente est en lui. Quoi qu'il en soit, il est mon rocher et ma délivrance, et ma haute retraite, je ne serai point ébranlé. En Dieu est ma délivrance et ma gloire, en Dieu est le rocher de ma force et ma retraite. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps, déchargez votre cœur devant lui, Dieu est notre retraite, c'est là. Ceux du bas état ne sont que vanité, les nobles ne sont que mensonges, si on les mettait tous ensemble en une balance, ils se trouveraient plus légers que la vanité même. Ne mettez point votre confiance dans la tromperie, ni dans la rapine, ne devenez point vain, et quand les richesses abonderont, n'y mettez point votre cœur. Dieu a une fois parlé, et j'ai ouï cela deux fois, savoir, que la force est à Dieu. Et c'est à toi, Seigneur, qu'appartient la gratuité, certainement tu rendras à chacun selon son œuvre.